ok. Mon rap est hyperactif, rien qu'il goume. Partout il fait mal dans tes oreilles ou dans ta foufoune. Il ne fait qu'évoluer sans prendre de rire. Mets ta main bâtard, je te verse le bol d'acide. Chez nous, pas de gangsters mais plutôt des caras. Cuftar et mon cubi, mais mon sort d'un Beretta. J'en ai rien à foutre, je calcule pas les vieux titres. J'attends le jour où Coyote niquera le bip bip. Depuis que j'écris, je représente la France en dessous. Mon pote c'est Ibrahim, mais pas juste un bidou. Ils aiment ma tranche, ils veulent pas nous voir briller. Mais laisse parler les mangeurs de sangliers. Destiné à finir number one. Gazidja et ma patrie, mon nom est sous le toit. J'ai grandi au milieu des litrons filons. MC t'as ta place à la table du dîner des cons. Rappeur chasseur de primes, voici ma filière. Ton flow est KO dans le coma sur la civière. Crie avec moi, holster, armurerie, musique, mon frère. Ça sonne comme un stage, j'arrive, fous mon boxon. Donne les MC sont sous la pression. On sait que rap est essai. Le son est sale comme un stage, j'arrive, fous mon boxon. Dead les MC sont sous la pression. On sait que rap est essai. Beaucoup trop de blessés. Des mamans j'en peur, holster, homicide classique. Dynamique meurtre audio en acoustique. 92 magique, excitation pour chaque session. Symphonie de la mort, délinquant, v'là ma fonction. Mauvaise fréquentation depuis l'époque des couches. Des couteaux dans les trousses, des coups de coude dans les bouches. On sent malade imaginaire, ouais. Y'a rien dans nos têtes, à part les méfaits et la dalle des fesses. On se confesse peu, j'attends juste le 1, 2, 3. Quoi, viens girl, faire une balade sur ma queue. Rap, rap, pas de notion dans le do-ré-mi. Après la patate, va vite faire. Je m'avance pas dans le bien, je suis bien dans le mal. La mal de ma vie remplie de trucs sales. J'ai la date du succès, sex and the city. Rond-point des martyrs pour citer. Et si t'es pas d'ici, file vite fait. Fils de pute, à la rue, faut pas t'identifier. Que du mauvais dans nos fichiers, holster. Ibrahim et Sultan arrive pour te faire l'air. Le son est sage comme un stage, j'arrive, fous mon boxon. NMC sont sous la pression. On sait que rap est beaucoup trop blessé. Le son est sale comme un stage, j'arrive, fous mon boxon. Dead les MC sont sous la pression. On sait que rap est essai. Beaucoup trop blessé. Okay, j'arrive. Mon couplet coupé, flow souplé. Si ça te plaît à toi et ta troupe de simplé. Si tu me palpes, tente ta chance, te claque ton clapet. Je me replie là où ça me plaît. Pète, pète les génélecs, allons bellec à ma sélecte de son sec, pardon. Je suis paré pour le podium du Paris. Et j'arrive, je m'en fous, je suis loin du paradis. Soumis aux lois des hommes, donc pardon à mes sales intentions, je maudis. Par les tuiles massées, par les problèmes salés. Et ma peine, IDD ou autre manie à manier, monsieur Smith pour pas un penny. On blesse les SDC, quel si t'apprécies le récit. Armerie musique. Une gauche en déchico, gars, ici ne vient pas tester. La famille pourra mûrir si le taux est donné. Dead. Quand l'élève se gère, je perds, se brise en masse. Ma thèse, ma vie, mon taf, quoi de plus. Pour toi, c'est dead, là, on est là, négro. Si tu kiffes, alors mets là. C'est sale comme un stage, j'arrive, fous mon boxon. Dead les MC sont sous la pression. On sait que rap est essai. Beaucoup trop blessé. Le son est sale comme un stage, j'arrive, fous mon boxon. Dead les MC sont sous la pression. On sait que rap est essai. Beaucoup trop blessé. Encore quelques têtes sous le coude. Et toujours le vice qui tourne, attire la foudre. Histoire que t'ailles encore super foot. Funeste, toujours ça dans le sang. Jusqu'au décès, musique armurie. Car trop attendu, trop voulait nous niquer nous. On arrive seul, sale, sans bruit. Comme une balle sortant d'un silencieux. Shoot ses buts en ville-ci. Toujours prêt, fait tourner la HF. Le texte est sale, barre, c'est salibar, salement. HF, funeste, holster, Ojai testament. Musique spéciale, du gros son et du freestyle petit. Ça pète à chaque intersection. Une bombe H dans l'armurie, explosion. De la fumée au bout de la HF. Des empreintes de boot sur la boue équilatérale. Demande à Finesse. Tous, le garçon au bec cousse. Épouse la frousse et l'armurie qui tourne en boucle. Des gros tirs de riposte. Des frappes lourdes que tout le monde met à son poste. C'est musique, armurie. Connard HF.